Chapitre 2e. Souvenir. Et puis un soir de juin, il y a un an de cela, le monde a basculé. Les gendarmes ont téléphoné alors que je commençais une recette de maquereau à la moutarde que je comptais faire au barbecue. C'est drôle comme dans ces moments-là, certaines choses deviennent ridicules et dérisoires. Ce soir-là, Chantal, mon épouse, rentrait avec mon fils à la maison. Il était un peu tard, car les profs avaient fêté la fin de l'année scolaire en même temps que le départ à la retraite d'une collègue que tous appréciaient. Chantal n'avait pas bu, mais comme à chaque fin des classes, une vague euphorie la gagnait. L'avenir paraissait plein de promesses, la température et la luminosité de fin de journée idéales. Les grandes vacances semblaient un océan calme sur lequel elle allait pouvoir voguer à l'infini en s'occupant de son fils et de son petit mari. Guido avait allumé son transistor et mis la musique un peu forte. « T'entends, maman ? C'est Breton Melon Man de Herbie Hancock. Tu m'achèteras le disque, dis. » « Je ne connais pas, mais oui, mon chéri, je te l'achèterai quand même. » « Ah, celui-là, je le connais. C'est Una Lacrima sul Viso. » Et Chantal fredonne avec la radio. « Oh, bien sûr, pour une prof d'italien, c'est facile. » Et tout le long du parcours, les succès s'étaient enchaînés et Chantal et Guido chantaient ensemble. « Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. » Une voiture rouge sombre arriva en sens inverse à allure réduite. « C'est drôle, on l'a croisée hier aussi, cette voiture. Qu'est-ce qu'on fait demain, maman ? On va à la plage ?» La voiture se rapprochait. Elle fit un écart et fonça droit sur la R8 Gordini. « Si tu veux, mon... » Dans un réflexe instinctif, Chantal donna un coup de volant pour éviter le véhicule qui effleura la carrosserie. La voiture de Chantal quitta la route et effectua son premier tonneau dès qu'elle mordit dans le talus. Aucune des deux victimes ne réalisa ce qui se passa par la suite. De l'herbe, le toit, encore de l'herbe, de la terre, des bouts de verre partout, du rouge, puis le noir total. Tout ce cauchemar sur fond sonore de « Eddie, sois bon, des chaussettes noires ». La voiture grenade s'était arrêtée un peu plus loin et le conducteur avait attendu que plus rien ne bouge. Personne à l'horizon. Malheureusement pour lui, la R8 n'avait pas pris feu. La voiture rouge démarra lentement et quitta le lieu du drame. Les premiers témoins n'arrivèrent qu'une ou deux minutes plus tard. Un banal accident de la route, telle fut la conclusion des gendarmes. Remarquez que le terme banal convient toujours quand c'est aux autres que cela arrive. Mais quand vous êtes touché dans votre chair et dans votre cœur, rien n'est banal. Tout est dramatique et irréversible. Ce qui devient banal, c'est la peine qu'on éprouve jour après jour et qui jamais ne disparaît. On prend l'habitude de vivre avec, comme on peut vivre avec une jambe en moins ou un seul œil. Mais on ne marchera jamais plus comme avant, de même qu'on n'y verra jamais plus aussi bien. Un banal accident, sans témoin, sans cause apparente, aucune trace de freinage. Les gendarmes avaient conclu une perte de contrôle du véhicule. Les R8 Gordini, que je laissais à Chantal depuis quelques jours, avaient quitté la route et avaient effectué plusieurs tonneaux. Les deux corps n'avaient pas eu la chance d'être éjectés et avaient été retrouvés sans vie, à l'intérieur de la caisse froissée, avec des fractures multiples. Même si, en ces années 60, de plus en plus de femmes conduisent, les mecs croient volontiers la maxime femme au volant, la mort au tournant. Malheureusement, la gente féminine ne conduit ni mieux, ni plus mal que les mâles. En tout cas, j'avais une confiance aveugle dans la façon dont conduisait Chantal, et j'étais un des rares. Parmi mes copains, elle laissait volontiers le volant à mon épouse. Si elle était encore vivante, je lui laisserais même conduire la belle Chambord. De toute façon, si elle était toujours là, je n'aurais pas acheté la Chambord. J'ai donc eu du mal à croire à une perte de contrôle du véhicule. J'ai porté plainte contre X auprès du procureur et récupéré le véhicule chez moi. Le proc, après une rapide étude du dossier, a refusé de poursuivre et l'affaire s'en est arrêtée là. Pourtant, après une étude très minutieuse de l'épave qui m'a demandé plusieurs jours, j'ai retrouvé une trace de peinture grenat sur le rétroviseur gauche de la R8 Gordini, trace qui ne pouvait provenir des tonneaux effectués par la voiture de Chantal. J'étais très maniaque sur l'état des véhicules de la famille et la dérobée, j'inspectais souvent notre voiture. Or, je n'avais jamais encore remarqué cette éraflure. Il était possible qu'elle était faite dans la cour du lycée le matin même de l'accident. Discrètement, dans les jours qui suivirent l'accident, j'avais inspecté les voitures des collègues de ma femme sans résultat. Aucun des véhicules n'avait la bonne couleur. J'ai alors démonté le rétroviseur et entrepris à mes moments perdus une tournée auprès de plusieurs carrossiers. J'ai pu ainsi déterminer avec de bonnes probabilités la marque des voitures qui possédaient cette peinture d'origine. Il s'agissait d'une Tam Grenat de chez Renault. Grâce aux collègues de la préfecture, j'ai pu établir une liste de toutes les Renault Grenat dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de mon domicile. Bien sûr, ça pouvait ne mener nulle part, mais cela m'a permis de m'occuper l'esprit et de museler mon chagrin. J'ai passé mon mois de congé à enquêter sur les véhicules de la liste, mais sans résultat. Les choses en seraient restées là, quand un matin, 8 mois après l'enterrement, un fait me fit reprendre ma recherche. Sur la roue de mon ancien domicile, au volant de ma voiture, j'eus un flash qui me bouleversa. On ne peut parler de chance quand il s'agit de drame, mais disons que le hasard m'a facilité la tâche. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Je roulais depuis un moment derrière une 203 fourgonnette, un modèle de 1955. Or, cette 203 fourgonnette, au lieu d'être noire ou grise, elle était grenat. Putain, mais oui, c'est sûr. Je venais de réaliser que n'importe quelle bagnole pouvait être peinte avec une teinte Renault par un carrossier. Pris d'une fièvre soudaine, j'ai dépassé la 203 fourgonnette le plus lentement possible et j'ai regardé attentivement en ménageant ma sécurité et celle des autres usagers. Pour l'observer une deuxième fois, j'ai ralenti pour me laisser doubler et recommencer le manège un peu plus loin. Il m'a semblé voir quelque chose d'intéressant. J'ai suivi la voiture jusqu'à son terminus, mais je compris qu'avec ma chambord fraise et crème, le conducteur de la 203 fourgonnette aurait dû être aveugle pour ne pas s'apercevoir qu'il était suivi. J'ai finalement trouvé le propriétaire de la 203 fourgonnette Grenat. Il s'agissait d'un certain Edmond Cabrière, domicilié à Bivert. En passant dans le coin, j'ai décidé de rendre une petite visite particulière à ce Cabrière. Je me suis pointé le soir vers 19h. La 203 était garée devant le domicile du propriétaire. En passant devant la voiture, je l'ai observée avec attention. Il n'y avait aucun doute possible. Une éraflure commençait sur le montant de la portière avant gauche et se terminait derrière la porte arrière avec une légère trace bleue. J'ai fait tout mon possible pour rester cool et éviter le pire. J'ai respiré un bon coup, puis j'ai sonné. Un gamin d'une dizaine d'années aux yeux bleus et aux cheveux filasses m'a ouvert la porte. « Qu'est-ce que c'est, fils ?» a demandé une voix dans le couloir. « Papa, viens, il y a un monsieur. » Un homme d'une cinquantaine d'années en tricot de peau et en bleu de chauffe délavé est arrivé en traînant des espadrilles éculées. Son visage buriné montrait que la vie avait été assez dure avec lui, mais sa carrure et son allure dénotaient un homme en pleine santé. « C'est pourquoi ?» s'enquit l'homme. « La voiture qui est garée là vous appartient ?»« Oui, elle est à moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez ?»« Venez, venez voir !» lui dis-je en le prenant par le bras. Il s'est dégagé aussi sec d'un geste brusque. « Qu'est-ce que t'as ? Tu cherches la cogne ? » dit-il d'un ton hargneux. Commençant à prendre les boules, j'ai donc continué son tutoiement. « Regarde la rayure là sur le côté avec de la peinture bleue. Où t'as fait ça ? Que ça peut te foutre ? T'es de la police ? » ?»« Ouais, justement. » J'ai braillé en sortant ma carte de police. L'homme m'a regardé avec un vague sourire. « Et qu'est-ce que ça change ? Vous allez me dire où et quand vous avez fait cette éraflure à la bagnole ?» Il vaudrait mieux le demander à celui qui m'a vendu la voiture parce que la rayure y était déjà. « Depuis quand vous lavez cette bagnole ?»« Depuis 7 ou 8 mois, je sais pas. »« Montrez-moi la carte grise, » dis-je d'un ton péremptoire. L'homme est entré dans la maison et en est ressorti presque aussitôt tenant le document. « Tenez, voilà. Mais pourquoi vous intéressez à cette éraflure ?»« Ça, je vous l'expliquerai peut-être après. » J'ai inspecté le document et surtout la date de la dernière immatriculation. Effectivement, l'acquisition était postérieure de 2 mois à l'accident de Chantal. « Bon, c'est ok, » lui dis-je en lui tapant sur l'épaule. « Excusez-moi pour tout à l'heure, j'étais un peu énervé. »« Ouais, j'avais remarqué. »« Vous ne me dites toujours pas ce qu'elle a, cette voiture. » »« Elle a causé un double accident mortel et le chauffeur a pris la fuite. En fait, c'était un assassinat. »« Ah, je comprends maintenant. Saloperie, va. Qu'est-ce que vous comprenez ?»« Je comprends pourquoi le type qui me l'a vendu m'a fait un si bon prix. » « Qui c'est, ce type ?» je lui demande, haletant. « Attendez, je vous explique, et après je vous dirai qui c'est. » Voilà. J'ai cherché une voiture pas chère, avec de la place pour la famille, et puis aussi parce que des fois j'ai aidé mon frère au marché de Gardanne. Un matin, je rencontre à Aix un type que j'avais connu quand j'étais mécanicien à la routière des Alpes. On boit une bière, et puis on discute, on se raconte ce qu'on fait et tout ça. Je lui dis que j'aurais besoin d'une voiture, et tout de suite, il me propose la sienne. Une Peugeot, en bon état et tout. 50 000 km pour 200 000 balles. Tu parles, j'ai tout de suite foncé. Mon père m'a prêté un peu de flouze et le lendemain, je suis revenu le voir avec l'argent. Il m'a amené la voiture ici et on a fait les papiers. Après, il est reparti avec un de ses copains. Et comment s'appelle-t-il, ce gars? Je sais pas. Au garage, on l'appelait Fada parce que c'est le mot qu'il nous disait tout le temps. Mais c'est mon fils Antoine qui a rempli les papiers pour moi parce que je ne sais pas lire et je sais juste écrire mon nom. Antoine, viens. Comment il s'appelait le monsieur qui m'a vendu la voiture? Antoine se mit à rire en cachant son visage. Bah, dis-le au lieu de rigoler. Tu vas me taper si je le dis. Allez, s'énerva Cavrière. Il s'appelait. Quelle merde! Et l'enfant éclata aussitôt de rire. J'ai senti soudain une énorme main de glace se glisser dans mon dos et dans mon crâne. Quelle merde! À la vitesse de la lumière, je subodore la méprise du gamin. Il a dû déchiffrer « quelle mère » pour le nom qui devait être mal calligraphié, et ne maîtrisant pas totalement la lecture, il a lu « quelle merde » en prononçant le dé final. Le nom du propriétaire devait être Gelmar. Le gosse n'était pas loin du nom réel, c'était sûr. Et cette découverte me sidéra littéralement, vous comprendrez plus tard pourquoi. Le père a aussitôt menacé son gamin d'une gifle, mais l'enfant s'est écarté proche des larmes. « Tu vois, je t'avais dit que t'allais me taper » cria-t-il en se sauvant dans le couloir. Je m'interposais, surtout parce que j'ai horreur qu'on batte les gamins. « Laissez-le. De toute façon, je pourrais retrouver son nom. Vous ne savez rien d'autre sur lui ?»« Je sais qu'il était dans l'armée. En Algérie. Il se vantait souvent d'avoir fait la guerre. Alors que je crois qu'il était chauffeur, sans plus. Tu parles d'un guerrier. » Pour m'en retenir du vertige qui m'a envahi, et aussi pour prendre congé, je mis la main sur l'épaule du nommé Cabrière. Merci, je vous remercie. Ne frappez pas votre niston. Je crois qu'il n'est pas loin de la vérité sur le nom du gars. Et qu'est-ce que je risque? Rien, absolument rien, ne vous inquiétez pas. Personne ne viendra plus vous demander quoi que ce soit. Allez, ciao. Planté devant la calandre de la 203, j'ai gravé dans ma mémoire la dernière image qu'avaient emportée ma femme et mon fils. Mais soudain, la terre s'est mise à danser autour de moi et le tournis m'a gagné. Depuis que je cherchais, je venais enfin de trouver, et mon esprit balancé entre deux solutions. En finir une bonne fois pour toutes, parce que mon chagrin était trop dur à supporter, ou me faire aider à tout prix, sous peine de devenir complètement barge. J'avais l'impression que mon corps agissait seul, indépendamment de ma volonté. J'ai bondi dans les R8 banalisées et j'ai démarré plein pot. De l'autre côté de la rue, une Panhard PL17 a quitté le trottoir. Le conducteur a embrayé brutalement et a pris la même direction que moi. J'ai foncé vers Marseille aussi vite que la bagnole me le permettait. La PL17 était toujours derrière, à quelques mètres. Arrivé sur l'autoroute nord, j'ai sorti mon gyrophare et baissé le pare-soleil où est écrit « police ». À 130 sur l'autoroute, volant vibrant et moteur hurlant, je fonçais comme un damné. Bientôt, la Panhard a perdu du terrain. Voilà maintenant que je me faisais des films. Me suivre avec une Panhard, tu parles d'une parano. Et pourquoi m'aurait-on suivi? Arrivé devant chez Sylvia, j'ai garé la R8 sur le trottoir, sans ménager les pneumatiques. Encore une voiture de service qui ne ferait pas 40 000 bornes. Cage d'escalier grimpé 4x4, sonnette martyrisée, Sylvia enfin ouvert, barbouillée de rimmel. On s'est pris mutuellement dans les bras et serré jusqu'à la douleur. Chacun de nous semblait avoir trouvé le refuge qu'il cherchait. C'est Sylvia qui a rompu la première le silence. Comment tu as su que je voulais que tu viennes? J'avais tellement besoin de toi. C'est moi qui ai besoin de toi. Si je ne t'avais pas trouvé, je crois que je me serais flingué. Ça m'a pris d'un coup. Je crois que je perds la boule. Viens, mon grand, viens. Sylvia me prit par la main et s'allongea sur le canapé. Je me mis à côté d'elle et la pris dans mes bras. Bien pelotonné, chacun prit l'autre pour un nounours géant. Alors que je venais de perdre ma femme et mon gosse, le mari de Sylvia s'était esbigné sans laisser d'adresse, sans prévenir. Ce fut pour Sylvia un coup de massue dont elle ne s'est pas encore remise. Tous les deux, nous avons entamé ensemble une longue spirale de déprimes successives que nous soignons aujourd'hui encore, comme nous pouvons. Sylvia, collègue de Chantal, a grandi avec moi, dans le même quartier. Rien d'extraordinaire à ce qu'on se réunisse pour faire face à notre chagrin. Je me souviens des balletti dans lesquels nous allions le dimanche après-midi quand nous avions tout juste 18 ans. Je servais de grand frère à Sylvia, dont les parents ne donnaient leur autorisation que si c'était moi qui l'amenais. Chacun draguait de son côté et le soir, dans le car, on se racontait nos conquêtes. Quelquefois, quand un garçon serrait de trop près Sylvia, j'étais obligé de distribuer des pastissons et revenais à la maison avec quelques blessures de guerre. On s'entendait bien tous les deux, et les mots n'étaient pas nécessaires pour nous comprendre. Depuis nos malheurs respectifs, nos liens d'amitié de 30 ans s'étaient resserrés comme pour redonner un sens à notre vie. Pourtant, aucun de nous deux n'avait en tête de refaire sa vie, et encore moins avec l'autre. « Sylvia, j'ai compris, j'ai trouvé !» lui ai-je dit. « Tais-toi, Gino, calme-toi, attends. Prenons le temps de nous recueillir et de remonter un peu la pente. Tu n'es pas bien là contre moi. Si, ça me fait du bien. » Pendant un long quart d'heure, nous sommes restés là, sans bouger, écoutant la respiration de l'autre, ça s'agir peu à peu. Sentant une bonne chaleur irradier notre corps et notre cœur, s'imprégnant du parfum de l'autre. « Gino, pourquoi on n'est jamais sorti ensemble ?» dit. « Parce qu'à l'époque, je cherchais une blonde avec la coupe au carré, des yeux bleus avec des fossiles et tout le bazar. Toi, tu ne ressemblais pas du tout à ça. »« Je t'aimais bien, voilà. » »« Il est vrai que Sylvia est brune, avec de grands yeux sombres et une peau très pâle. C'est une Italienne dans toute sa splendeur. » Et moi, je voulais un type classe, blazer bleu marine, longue mèche devant, la voiture de sport et tout, pas un gars qui prenait le car. On s'est marré en se regardant, puis je suis redevenu sérieux. Tu regrettes? Non, je n'ai jamais eu envie de faire l'amour avec toi, et je n'ai toujours pas envie. Mais je suis tellement bien contre toi. J'étais heureuse avec mon mari, ça prouve que je ne m'étais pas trompée. Et toi, tu l'aimes? Oh, pardon, tu l'aimais, Chantal. Quelle question! Mais maintenant, c'est trop dur. Je ne peux plus rester tout seul. Sinon, je n'arrive pas à penser à autre chose et ça me tue. Mais il faut que je te raconte. Je crois que j'ai trouvé qui a tué Chantal et Guido. Surprise, Sylvia se hausse sur un coude. Tu es sûr que ce n'était pas un accident? Sûr et certain. Il faudra que je t'explique. C'est une longue histoire. Tu me raconteras. Demain ou quand tu voudras. Je peux dormir ici. Je n'ai pas le courage de rentrer à la maison. Je te comprends. Moi aussi, tu sais, j'en ai marre de traîner mes os dans cet appart beaucoup trop grand pour moi. Allez, je te prépare le lit et un petit sédatif pour t'en suquer un peu. Comme ça, tu dormiras. Cette nuit-là, j'ai dormi à peu près normalement pour la première fois depuis plusieurs semaines. Le lendemain matin, j'ai d'abord été réveillé par une main qui farfouillait dans mes cheveux. Sylvia m'a souri tendrement. C'est quand même mieux quand on n'est pas seul, surtout le matin, a-t-elle murmuré. Allez, « debout, commissaire, il n'y a pas de croissant, mais je suis sûr que mon café est meilleur que le tien. » Tout en buvant à petite lampée mon café brûlant, j'ai commencé à raconter ce qui me taraudait depuis la veille. Je suis maintenant sûr que Chantal a été assassinée, et je sais par qui. En réalité, c'était moi qui étais visé, mais ce connard s'est basé sur la voiture, sans regarder qui conduisait, tu te rends compte? Chantal et Guido sont morts à cause de moi, c'est moi qui aurais dû mourir, dis, tu piges? « Je comprends, Gino, et je suis désolé d'apprendre ça. Mais tu sais, pour moi, ça ne change pas grand-chose, vu que j'aurais eu autant de peine si l'assassin ne t'avait pas raté. Alors, c'est qui ?»« Guelmard. Il s'appelle René Guelmard. Je dois partir au boulot, mais ce soir, je t'expliquerai tout, parce que tu sais, c'est une histoire compliquée. Alors, si je comprends bien, tu reviens ce soir. Ça ne te dérange pas ?» Sylvia m'a pris le visage entre ses deux mains, puis elle a posé très doucement sa joue contre la mienne. « Reviens vite, Bello, » m'a-t-elle murmuré.